Bienvenue à Méloman, l'émission pour vous, les fous de la musique, sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 27 juillet 2016 de Méloman. Et dernière émission du mois de juillet, et oui déjà, je ne sais pas s'il y en a plusieurs parmi vous qui sont en vacances ou qui vont l'être bientôt. Chose certaine, on est en pleine première semaine de la construction et c'est pour ça que je me suis dit que ça serait une bonne idée de se faire un petit spécial road trip ce soir. Question de se mettre dans l'ambiance des longues promenades en voiture qui mènent à un point précis ou non, c'est selon. Comme on dit souvent, c'est le voyage qui compte, pas la destination. Et c'est ça qu'on va faire ce soir, un voyage qui mène nulle part en tant que tel, mais qui va nous évoquer la route en général, le jour, la nuit, les escales, bref. Tout un trip, un road trip, donc assez différent de notre radio pirate de la semaine passée, mais pas mal aussi varié comme d'habitude, vous le savez, toujours avec une atmosphère par contre ce soir de liberté. En fait, j'espère tout particulièrement ce soir qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui écoutent depuis la route, en fait, depuis leur véhicule, parce qu'on vous dédie évidemment l'émission. Ça va être totalement parfait pour vous. Bref, trêve de papotage, on part le moteur, puis on écoute Arcade Fire au 99.1 CFNJ. We'll be right back. afternoon, 'cause that's when it all hurts the most. I dream I never know anyone at the party, and I'm always the host. If dreams are like movies, then memories are films about ghosts. You can never escape, you can only move south down the coast. Well, I am an idiot, walking a tightrope of fortune and fame. I am an acrobat, swinging trapezes through circles of flame. If you've never stared off into the distance, then your life is a shame. No, I'll never forget your face. Sometimes I can't remember my name. Hey, Mrs. Potter, don't cry. Hey, Mrs. Potter, I know. Interruption of the swirling dust sparkles. Hollywood shatters his glass on the floor. And orders another, well, I wonder what he did that for. It's when I know that I have to get out, 'cause I have been there before. So I gave up my seat at the bar and I head for the door. Stand up in the palace like it's the last of the great pioneer town bars. Oh, we shout out these songs against the clang of electric guitars. Ah, you can see a million miles tonight, but you can't get very far. You can see a million miles tonight, but you can't get very far. Hey, Mrs. Potter, I won't touch. And hey, Mrs. Potter, it's not much. But hey, Mrs. Potter, won't you talk to me? Very nice, thank you very much. CFNG.

viendra, nous partirons tous deux dans ma belle Camaro bleu, à ciel ouvert sur la Trans-Canada, entre les arbres verts, nous filerons vers Vancouver, tout droit, ta tête dans mon cou, comme au cinérama, le paysage s'ouvrira sur nous, une main au volant, l'autre sur tes genoux, je prendrai mon élan. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Soleil de plomb sur nos fronts brûlants, nos cheveux longs flottant dans le vent. Et attention, nous nous envolons comme des cerfs-volants. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Dans la nuit noire à 100 000 à l'heure, je tenterai voir de toutes les couleurs. Et au matin, sur notre chemin, il pleuvra des fleurs. Quand l'été reviendra, nous partirons tous deux dans ma belle Camaro bleu, à ciel ouvert. J'irai chercher là-bas, jusqu'au diable Vauvert, tous les étés de l'univers. Pour toi, nous irons faire l'amour, sous des soleils de feu, quelque part où le ciel est bleu. Toujours, et si la terre est ronde, nous roulerons autour, vers l'autre bout du monde. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Soleil de plomb sur nos fronts brûlants, nos cheveux longs flottant dans le vent. Et attention, nous nous envolons comme des cerfs-volants. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Dans la nuit noire à 100 000 à l'heure, je t'en ferai voir de toutes les couleurs. Et au matin, sur notre chemin, il pleuvra des fleurs. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Soleil de plomb sur mon front brûlant, nos cheveux longs flottant dans le vent. Et attention, nous nous envolons comme des cerfs-volants. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Et c'est un monsieur qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qu'on vient d'entendre le 7 novembre dernier, en fait, monsieur Steve Fizet avec Les Chemins d'été, officieusement connu comme Dans ma Camaro de 1970 pile, écrite évidemment par Luc Plamondon. Tout ça dans le cadre de ce spécial road trip Méloman sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ, où on a aussi entendu, d'ailleurs, toujours dans un rythme qui épouse la route, encore une fois, ce cher Bob Dylan, Robert Zimmerman, assez tard dans sa carrière quand même, en 2000, avec Things Have Changed, une chanson qui nous venait à l'origine d'un film qui s'appelait Wonder Boys, avec Michael Douglas et Tobey Maguire. Mais parlant de Bob Dylan, vous savez que je suis un grand fan, j'aurais envie de vous parler d'un très bon hommage qui va avoir lieu ce vendredi même, donc le 29 à Rawdon, par un groupe qui s'appelle Mr. Tambourine Man, né de main de maître par Alain Lépine, un groupe que j'ai déjà vu et qui sont très bons. Et je me permets de vous en parler parce que c'est gratuit, donc profitez-en, c'est vers les 19h, 20h, je crois. Et pour revenir à nos moutons, sinon on a aussi entendu une magnifique pièce acoustique des Beatles, toute simple mais efficace, comme tout ce que les Beatles ont fait finalement. Soit Two of Us, qui ouvrait le fameux Let It Be, sorti en 1970, sorti après Abbey Road, mais enregistré avant, en fait, juste après l'album blanc. Donc, Two of Us, une chanson, encore une fois, qui parle de partir à deux sur un trip vers nulle part. Et sinon, complètement ailleurs, Going the Distance, toujours le road trip à l'esprit avec Cake en 96, qui suivait, bien sûr, Ray Charles en 61 avec Hit the Road Jack. Et on y retourne, nous, les deux mains sa roue, comme on disait dans le temps, avec les Doors, 99 ans, CFNG. Wide wonder at the joy they had found.

think so. I'm going back to Cali, Cali, Cali. I'm going back to Cali. I don't think so. Going back to Cali, styling, profiling, smiling, and smiling while in the sun. The top is down on the black Corvette, and it's fly 'cause it's sitting on the north steering wheel, plushed out, gold leaf Phantom top, and three girls waiting. The chrome is shining, passing all the cars on the way. Moving on the wind, back wheel spin, popping a cassette and push play. I'm going back to Cali, Cali, Cali. I'm going back to Cali, y'all, I don't think so. I'm going back to Cali, Cali, Cali. They never before hung. Place on Sunset, it's a trip where the AC's cold, but the girl still stripped. The record skipped, but this girl kept dancing, prancing, grinding, grinning, romancing. I asked her to move on so we could hit the hay. I wanna do this, Brutus, but I don't wanna pay. I'm going back to Cali, Cali, Cali. I'm going back to Cali. Cali, rising, surprising, advising, realizing she's sizing me up. Her bikini small, heels tall. She said she liked the ocean. She showed me a beach, gave me a peach, and pulled out the suntan lotion. Now, that is fast, but this girl was faster. She was looking for a real good time. I said, close your eyes. I got a surprise, and I ran away with a bottle of wine. I'm going back to Cali, Cali, Cali. I'm going back to Cali. I don't think so. I'm going back to Cali, Cali, Cali. I'm going back to Cali. Partiellement nuageux et risque d'averse ou d'orage pour les prochaines heures, un minimum de 18. Nuageux, 40 % de probabilité d'averse jeudi, maximum 26 et ensoleillé pour vendredi, samedi et dimanche, maximum de 25 à 27 degrés. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et les environs, partiellement nuageux, il y a des risques d'averse ou d'orage au cours de la soirée et de la nuit, minimum de 14. Jeudi, nuageux, 30 % de probabilité d'averse tard le matin et en après-midi, ça va se dégager tard en après-midi, maximum minimum 24. Et vendredi, samedi et dimanche, ensoleillé, maximum de 24 à 26. CFNJ classique qui exprime la liberté en ce spécial road trip. Méloman, toujours sur les ondes du 99.1 CFNJ. Et donc, la liberté de la route avec Free Fallin' par Tom Petty en 89. Son premier album, sans les Heartbreakers, et un très gros hit qui s'était gardé pour lui tout seul, on dirait du moins. Et sinon, écoutez, assez éclectique encore une fois, on a entendu un peu de tout. Nul autre que LL Cool J, que les plus jeunes connaissent plus comme acteur, peut-être dans NCIS ou une espèce de truc de lip-sync dont mon ami me parlait tantôt, mais qui, en 88, était un jeune rappeur qui hésitait à retourner en Californie avec Going Back to Cali, qui suivait un gros, gros hit de l'été 99, Scar Tissue des Red Hot Chili Peppers, qui, cette année-là, avait sorti un album inattendu, Californication, qui a fini, finalement, avec le recul, par être un de leurs meilleurs. Red Hot, qui avait pas connu un gros succès, un aussi gros succès depuis au moins Blood Sugar Sex Magik de 91, donc imaginez, assez inespéré. Donc, il n'y avait pas grand monde qui s'attendait à ça. Et pourtant, l'été 99 a facilement appartenu à Red Hot Chili Peppers, qui était précédé ici par nul autre que Jean Leloup avec Ballade à Toronto de 2002, qui nous vient de la Vallée des Réputations, excellent album, et qui nous parlait en entrée de chanson d'un feu qu'il y avait eu dans le coin de l'Ontario dans ce temps-là. C'est ça qui rougissait le soleil. Je me souviens pas du feu exactement. S'il y en a parmi vous qui se souviennent de l'événement en question, n'hésitez pas à nous le dire sur la page Mélomane. Et qui nous parlait aussi, une chanson qui nous parlait d'étoiles, ce qui m'amène à vous dire, là, surveillez ça, il y aurait 3 pluies d'étoiles filantes dans la même semaine. Très propice aux étoiles filantes le 28, 29 et 30 juillet. Donc, surveillez ça, ça peut être très beau. Et sinon, couler dans le rock, comme disait l'autre. Bad to the Bone, méga classique de George Thorogood and the Destroyers en 82, qui suivait le fameux Roadhouse Blues des Doors, qui nous vient de l'album Morrison Hotel de 1970. Et pour le prochain bloc, toujours sur la route, tel des petits Jack Kerouac, mélomanes. Kerouac, qui en passant est né de parents canadiens-français, petite parenthèse comme ça. Donc toujours sur la route, mais dans différentes incarnations, donc dont une halte routière où on peut s'arrêter peut-être pour dormir un peu, mais on fait aussi un petit bout de nuit peut-être à se relayer. Mais ce qui est certain, c'est qu'on commence ça en 1965 avec les Sonics, 99 ans, CFNJ. Find it. foi qui marche pas. La tortue se débat dans son terrarium. Mais je reste là, dans mon salon. Un marathon sur l'opium. Les chambres sont vides, la tête pleine. Faut bien qu'un gars ravale sa peine. J'aimerais ça me dire que c'était beau, que c'était con, qu'on s'en crisse. Mais j'suis tellement ben hanté de cuisses. J'aimerais ça me dire que c'était beau, que c'était con, qu'on s'en crisse. Mais j'suis tellement History of Tenacious D. And it's not just a list of bullshit that we've done in the past. It's a chronicling of our rise to power. We ride with kings on mighty steeds across the devil's plain. We've walked with Jesus and his cross. He did not die in vain, no. We've run with wolves, we've climbed K2, even stopped a moving train. We've traveled through space and time, my friends, to rock this house again. We ride and we'll never subside. We'll ride till the planets collide. And if you say that we do not ride, I'll tan your fucking hide. Ride! Our fingers be silver. Jack's voice then be gold. But lest you think we're vain, we know you're all robots and we don't care to make the sea. We reign. We reign supreme. Oh God! Burrito supreme. And a chicken supreme. And a cutlet supreme. Supreme, yeah. Go now, come, 1, 2, 3. Supreme! CFNJ 99.1 et 88.9. Avec vous, partout dans la Naudière. Saint-Sauveur, la lune brille comme une erreur. La terre avance dans la nuit, moi aussi. We'll be right back. distance from Tuna. No matter where I go, I hear the beating of your heart. I think about you when the night is cold and dark. No one can move me the way that you do. Kisses your arms. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Et c'est toujours le spécial road trip qui se poursuit ce soir. Comme on disait, des fois, on chauffe la nuit, on conduit la nuit aussi, comme Cyndi Lauper avec I Drove All Night de 1989. Une chanson qui avait été pensée pour Roy Orbison originalement, mais sa version va sortir en 92 seulement. Donc, c'est Cyndi Lauper qui va récolter le succès en premier. Mais elle va être aussi reprise par plusieurs autres fois, dont par Céline en 2003. Et toujours dans le thème de rouler la nuit, eh bien, rouler la nuit, justement, de Beau Dommage, que j'ai pas pu m'empêcher de vous mettre, chanson de Pierre Bertrand en 77, du dernier album de Beau Dommage, en fait, du moins des années 70, l'album Passager. Et on a aussi roulé pas mal vite sur l'autoroute, juste avant, avec Highway Star de Deep Purple, la chanson qui ouvrait le légendaire Machine Head de 72. Avec le fameux solo de guitare doublé de Ritchie Blackmore, une chose rare à l'époque, et aussi John Lord à l'orgue. Du rock pur qui était précédé par les rois du rock autoproclamés de Tenacious D, groupe de Jack Black, l'acteur avec leur propre histoire dans History, qui nous vient du Pick of Destiny, un film de 2006 qu'il faut voir si c'est pas déjà fait. Et sinon, un contraste qui attend pas l'autre, on a entendu un autre gars qu'il faut absolument connaître si vous l'avez pas vu ou entendu nulle part encore, le seul et unique Philippe Braque, qui, physiquement du moins, est pas sans faire penser à un jeune Dylan du temps de Blonde on Blonde, de qui on parlait tantôt. Et donc, M. Braque, avec son Matin des raisons de 2012, un moment où on se réveillait d'un petit somme dans une heure de service. Et tout ça qui avait commencé avec un groupe de punk avant le temps, soit The Sonics avec la toute appropriée Have Love Will Travel de 1965. Et nous, sur ce, On repart pour un bloc assez bien charnu. On commence ça avec une vraie toune de char de Electric Light Orchestra, 99 ans, CFNJ. I need you. quoi tu rêves? Je tiens la route, je tends l'oreille, j'espionne les ondes qui te surveillent et les mots qui touchent à tes lèvres. I love you. Sur la 40, tu dis mon nom dans ton sommeil. I love you, I love you, I love you, I love you. Que je te chante. I love you. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. J'étais pogné pour embarquer. Embarquer! La fille alla jusqu'à mon Louis. J'ai dit c'est cool, j'y vais moi ici. Fait qu'on est parti toutes les deux. L'asphalte s'en crissait sous les pneus. Diriri. We'll be right back. c'est smart, mais y'a bien fallu que je débarque. Ouais, par ici, chacun a de bord, moi, drette à pied, elle dans son char. Je me suis retrouvé tout seul sur le chemin à marmonner mon petit refrain. Diddle-doo, diddle-doo. Avec vous, partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFMJ. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'irais me promener sur le bord de la Gaspésie. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'aurais le nez dehors. Et toi aussi, ma jolie. Tous les deux, mon amour, on roulerait au jour le jour. Nulle part où s'arrêter, comme deux gypsies. Si j'avais un char, j'en ferais. Je suis un Hells Angel. anecdote, mais je peux citer. Je suis un certain choice raté pour faire comme les vrais robineux. Je m'achète des beaux vieux habineux. Je suis un bon de bonne famille. Quand je vois sa main, je mange des guédis. Et quand je fonce vers la lune, c'est bien assis en Volkswagen avec ma brune. J'aurais trop peur sur un chopper avec Aline pour Huxapine, avec Thérèse fraise contre fraise. Faut pas que ça niaise. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bac, je partirais pour Québec. Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai les lumières pour ma vie. Et je roulerai dans la nuit. So when the twilight falls on the heights, I will light my lights for my sight. Et je roulerai. Jolie mélodie, j'ai passé de belles nuits à Québec, en caressant avec des beaux becs. J'ai passé de belles nuits à Ottawa, en te caressant, en tenant dans mes bois. J'ai passé de belles nuits à Toronto. Mais si je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt. Ah oui, mais si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Québec. Québec. Québec. Avec vous, partout dans la Nodière, CFNJ 99.1, 88.9. Centre et sud de la Nodière, partiellement nuageux, risque d'averses ou d'orages pour les prochaines heures, un minimum de 18. Nuageux, 40 % de probabilité d'averse jeudi, maximum 26, et ensoleillé pour vendredi, samedi et dimanche, maximum de 25 à 27 degrés. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et les environs, partiellement nuageux, il y a des risques d'averse ou d'orage au cours de la soirée et de la nuit, minimum de 14. Jeudi, nuageux, 30 % de probabilité d'averse tard le matin et en après-midi, ça va se dégager tard en après-midi, maximum 24. Et vendredi, samedi et dimanche, ensoleillé, maximum de 24 à 26. CFNJ 99.1 88.9. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Et toujours en plein spécial road trip ce soir à Mélomane avec, mais là vraiment plusieurs pièces de circonstances, des gros classiques à côté desquels on ne pouvait pas passer, du moins ici au Québec. Parce que quand on n'est pas loin de Montréal, comme nous dans la Nodière, ben ça peut être une maudite bonne, un maudit beau road trip d'aller vers Québec, comme Charles Lebois l'a immortalisé en 69 avec Les ailes d'un ange, qui suivait une autre dans les mêmes thèmes, soit Stephen Faulkner avec son classique Si j'avais un char, chanson de 78, qui suivait, et là on était assez thématique, merci, encore une fois Steve Faulkner, celui qu'on appelait Cassonade, mais avec Plume, cette fois-là, avec son hommage de 1975 à la 20, donc la plus longue autoroute québécoise. Ça nous vient d'un excellent album qui s'appelle Pomme de route, un album complet en collaboration avec Faulkner de Plume la Traverse. Et sinon, tant qu'à être dans les hommages aux routes, on a aussi entendu l'hommage des hommages à la route qui traverse les États-Unis d'est en ouest, j'ai nommé la Route 66, qui a été popularisée par plusieurs artistes, dont Nat King Cole, entre autres, Chuck Berry. Mais on l'a entendu ironiquement par des Anglais, les Stones, en 65, qui l'avaient eux-mêmes repris de Chuck Berry. Chuck Berry qui est vraiment essentiel là, dans la formation des Rolling Stones. Et il n'y a rien qui arrive pour rien parce que les Stones ont joué juste après les Beatles la même année avec la sublime Michelle de McCartney, qui était évoquée assez clairement dans la chanson des Sœurs Boulay qui a joué juste avant et qui est de circonstance pas à peu près si on considère le titre qui est Chanson de route. Une très belle pièce sortie en 2013. Donc voyez-vous, il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard à Méloman. On aime ça comme ça. Un lien très, en fait, qui unissait le très, très, très serré, qui unissait le dernier bloc. À part Showdown de Electric Light Orchestra. Ça c'est dur à dire à la radio. Electric Light Orchestra ou ELO pour les intimes en 74. Qui est juste finalement une bonne vieille toune de char, tout simplement, ça en prend aussi. Et c'est ce qui nous amène vers un classique à côté duquel on peut pas passer, peut-être que certains d'entre vous l'attendaient, on écoute Steppenwolf, 99.1 CFNJ. And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and pumps and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die.

99.1 et 88.9 avec vous partout dans la Naudière. J'entends le moteur qui gronde. Comme rime, c'est pas fort, mais c'est pas grave, je parle de mon char. La tank est pleine, puis j'écoute mon instinct. Puis je roule, j'avale les lignes blanches de l'autoroute, puis je les recrache par derrière dans mon miroir. Oui, je roule. Regarde les pancartes qui s'aiment tout. De toute façon, ça change pas la fin de mon histoire. Hop! J'avance dans la nuit qui est noire comme ses cheveux. C'est bien loin de trouver l'amour à l'autre bout du monde. Je roule vers la vie dans l'espoir d'être un homme heureux. Quand rime, c'est bien lu, mais c'est pas grave, je parle de ma blonde. Oh, oh. La tank est pleine, puis je m'en vais vers mon destin. Je roule, je roule. Je vale les planches de l'autoroute. Je les recrache par derrière dans mon miroir. Ah, ah. Oui, je roule, je roule. Regarde les pancartes qui se me doutent, mais de toute façon, ça changera pas la fin de mon histoire. On dit qu'il y avait quelque chose que j'avais oublié. La mer en pick-up, c'est pas facile à traverser. J'suis parti tellement vite que j'avais pas pensé. Comme rime pas fort, mais après 12 heures de nage, je commence à être fatigué. Je nage, je nage. J'avale des vagues avec du goudron. Je les crache de mes poumons qui sont rendus noirs. Ah, ah. Je nage, je flotte. Je sais plus trop où je suis rendu. De toute façon, ça changera pas la fin de mon histoire. Oui, je flotte, je me traîne. Dans le sable chaud du paradis, là je vois ma belle-mère qui me dit que ma blonde est partie pour me rejoindre. Je cours, je crie, je tousse, je saute, je vole. Attends-moi chérie, j'arrive, c'est notre destin. Et je roule, je roule. J'avale les lignes blanches de l'autoroute. Je les recrache par derrière dans mon miroir. Ah, ah. Oui, je roule. Regarde les pancartes qui s'aiment toutes, mais de toute façon, me voilà rendu à la fin de mon histoire. au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Truckin', got my chips cashed in. Keep truckin' like the dude of man. Together, more or less in line. Just keep truckin' home, home, home. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas, got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York, got the ways and means. And just won't let you be. Most of the cats that you meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the dude I man once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. Sit down and patch my bones and get back trucking. Come on, come on. Grateful Dead qu'on vient d'entendre toujours en plein Méloman spécial Road Trip ce soir au 99.1 et 88.9 CFNJ ou encore sur CFNJ.net. Grateful Dead, un groupe qui, en plus de faire des tunes de chars à profusion, vont inspirer une légion de fans qu'on va appeler les Deadheads, qui vont les suivre partout sur la route pendant des années. Un public vraiment très fidèle pour une raison obscure, donc vraiment notoire pour ça. Donc Grateful Dead en 1970 avec Truckin' qui suivait deux classiques au riff de guitare très semblables, très similaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué, soit School's Out d'Alice Cooper en 72 et Tosh de ZZ Top en 75. Donc on présume qu'une a influencé l'autre, mais en même temps, tout ça est inspiré à la base de vieux riffs de blues de toute façon. Le blues, qui en passant est très lié depuis toujours au road trip, comme le country d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on entend ces sonorités-là ce soir, comme nul autre que Gilda Roy, qu'on a entendu avec « Je roule » de 1991. On a aussi entendu un must qui est sur à peu près toutes les listes de chansons de road trip que j'ai vues, y compris les québécoises, soit Born to Run, un titre qui dit tout de Bruce Springsteen, évidemment en 1975, qui nous vient d'un des albums les plus difficiles à écrire de sa carrière. Springsteen, à ce moment-là, qui s'était fait un peu beaucoup avoir par sa compagnie de disques, et qui avait des gros problèmes légaux, juste comme ça, comme sa carrière commençait là, à marcher. Vous irez voir ça si vous avez une chance. C'est toute une histoire, vraiment. On se doute pas que Springsteen l'a eu dur pas mal au début de sa carrière. Et sinon, on a aussi entendu un groupe néerlandais, donc des Pays-Bas, Golden Earring, avec le classique Raider Love, une chanson qui parle d'un gars qui roule toute la nuit pour aller rejoindre sa blonde. Donc, toujours dans la thématique. Mais jamais autant que la fameuse Born to be Wild. Et oui, qui est un peu cliché, mais qui reste de mise pour le sujet qui nous intéresse ce soir, soit la route. Donc Steppenwolf en 1968, un groupe canadien en passant. Et on écoute justement le roi de la route. On écoute Roger Miller, 99 ans, CFNJ. Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. Ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Wool worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means by no means, king of the road. I know every engineer on every train, all of the children and all of their names, and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. Trailers for sale, rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing. Assez longtemps, faire la tête. I'm falling.

et 88.9 CFNJ. Without ever knowing. anyone could see the road that they walk on. C'est pas mal ce qui conclut la soirée Road Trip de Meloman sur les ondes de CFNJ. On a entendu le One Hit Wonder Fastball avec The Way en 98, gros hit de 98, qui suivait deux ans plus tôt Sheryl Crow, Every Day is a Winding Road. Ça, c'était pour les années 90, le petit clin d'œil aux années 90. Et la première partie du bloc qui était un peu plus échevelée avec le groupe Surf de Centurions en 62 avec Bullwinkle Part 2, qui a été repopularisé en 94 par Pulp Fiction, évidemment, de Tarantino. La musique de Surf, ça fait toujours de la bonne musique de char. On aurait pu en mettre beaucoup. Claude Dubois, évidemment, aussi, qui part en voyage en 74. Et King of the Road de Roger Miller, 10 ans plus tôt, donc en 64. Et donc, c'est ce qui met fin à notre beau voyage de ce soir. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui nous ont écoutés depuis leur voiture. C'était particulièrement fait pour ça ce soir. Mais quand même, à la maison, ça fait la même chose. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié le road trip. C'est sûr qu'il y a plein d'autres pièces qu'on aurait pu mettre. Mais là, que voulez-vous? Il faut faire des choix dans la vie. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un Méloman qui va célébrer l'été en bonne et due forme. On se retrouve mercredi prochain dès 21h sur les ondes de CFNJ. Et en vous souhaitant une bonne nuit et une bonne semaine d'ici là, je vous laisse avec une pièce de circonstance de Tracy Chapman, 90. 9 ans, CFNJ. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. Body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Thank you.